Nous poursuivons avec vous, chers auditeurs, l'étude de la cinquième lettre aux églises d'Asie, celle qu'a reçue la communauté de Sardes. Je rappelle que Sardes était une ville importante dans l'Antiquité, mais qu'à l'époque de l'apôtre Jean, à la fin du 1er siècle, c'était une ville morte qui vivait du souvenir de son passé glorieux. Or, une situation identique était apparue dans l'église de Sardes, à qui le Seigneur Jésus déclare « Je connais tes œuvres. » Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Apocalypse 3, 1 à 3. L'église de Sardes avait donc entendu et reçu la parole. Mais, avec le temps, le sommeil spirituel l'avait engourdie et même... elle était près de mourir. Nous avons vu que cette lettre à l'église de Sardes illustrait la cinquième étape de l'histoire de la chrétienté, celle qui débuta avec la Réforme au XVIe siècle. Nombreux furent alors ceux qui ont entendu la parole, qui l'ont reçue avec joie et l'ont gardée. La Réforme fut une explosion de vie spirituelle qui a bouleversé une génération. Mais ensuite, ce glorieux héritage a été délaissé. Les descendants de la Réforme ont renié leur passé. Comme les chrétiens de Sardes, ils avaient bénéficié des lumières de l'Évangile, mais ensuite ils sont tombés dans le sommeil spirituel. Aussi l'appel du Seigneur à l'église de Sardes les concerne-t-il également. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Après avoir ainsi exhorté les chrétiens de Sardes, le Seigneur a ajouté, toujours en Apocalypse 3:3, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Le constat d'un cambriolage est toujours une expérience fort désagréable, qui peut faire naître toutes sortes de regrets. Le voleur s'est introduit lorsqu'on ne veillait pas, et il a emporté les trésors les plus précieux, laissant le propriétaire de la maison devant la triste constatation des méfaits commis. Or, dans les évangiles, le Seigneur emploie cette image-là pour exhorter les disciples à la vigilance. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 42 à 44. Plus tard, l'apôtre Paul reprend cette même comparaison dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 3 à 4. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Si la parole de Dieu emploie l'image du voleur pour dépeindre la seconde venue du Seigneur, c'est pour nous prévenir qu'il surprendra alors tous ceux qui ne l'attendent pas. Les christianisés qui se seront contentés d'une profession de foi extérieure et qui se complaisent aujourd'hui dans une quiétude illusoire, découvriront alors leur véritable situation devant Dieu. Car le retour de Jésus-Christ sera soudain, subit, inattendu, tant pour les propres justes à la conscience endormie que pour les indifférents et les incrédules qui se moquent de Dieu. À l'heure du retour du Seigneur, ce sera trop tard pour eux de se mettre en ordre avec Dieu. Mais revenons à l'église de Sardes. Le Seigneur avait vu, au sein même de cette communauté, un noyau de chrétiens fidèles. Il ne les a pas oubliés, même s'ils étaient une minorité, et il leur a adressé un message tout particulier. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Apocalypse 3, versets 4 à 5. La plupart des membres de l'église de Sardes se couvraient de leur propre justice comme d'un vêtement. Mais ce vêtement-là est souillé aux yeux de Dieu, comme l'a dit le prophète Ésaïe. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Cependant, la minorité fidèle se confiait à Sardes, non pas en ses propres mérites, mais en l'œuvre d'expiation et de justification accomplie par Christ à la croix. En vertu de leur foi, Christ les a donc déclarés justes et purs, et il leur promet « Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Puis, il a complété sa promesse d'une garantie très importante. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, 5. Dans la présence de Dieu, il existe un registre qui s'appelle le livre de vie. D'innombrables noms y sont inscrits dès la fondation du monde. Car Dieu a conçu un plan d'amour prédestinant tous les hommes à la vie éternelle. Il les a tous mis au bénéfice de l'œuvre salvatrice de son Fils, qui a donné sa vie, même pour ses pires ennemis. Seuls quelques cas particuliers mentionnés dans l'Écriture, comme Judas, le disciple qui a trahi Jésus, ou l'Antéchrist, que l'Écriture nomme le Fils de la perdition, ou encore les adorateurs de l'Antéchrist lors de la Grande Tribulation, seuls ces quelques cas particuliers, donc, n'ont pas eu leur nom inscrit dans le livre de vie. Mais ce sont là des cas d'exception. Tous les noms figurant dans le livre de vie y sont toutefois inscrits à titre provisoire. D'une part, Dieu veut que les hommes bénéficient du salut acquis par son Fils à la croix du calvaire. D'autre part, il les laisse libres de leur décision d'accepter ou de refuser ce salut. Il ne les place sous aucune contrainte. Il incombe donc à chacun, à vous et à moi, de ratifier l'inscription de notre nom dans le livre de vie. Lorsqu'un pécheur se repent et accepte Christ comme son sauveur, il confirme ainsi son inscription dans le livre de vie qui devient alors définitive, car rien à aucun moment ne pourra l'effacer, et ceci pour l'éternité. Par contre, si l'homme refuse délibérément le salut que Jésus-Christ lui offre, son nom sera alors effacé du livre de vie. Trois textes de l'Ancien Testament le laissent entendre. Exode 32, 32, Deutéronome 29, 20 et Psaume 69, 29. Je répète, Exode 32, 32, Deutéronome 29, 20 et Psaume 69, 29. Et dans le Nouveau Testament, Apocalypse 20, verset 15, montre que les damnés, dont les noms ne figureront pas dans le livre de vie, seront tourmentés au siècle des siècles dans l'étang de feu et de soufre. Peut-être éprouvez-vous, chers auditeurs, le besoin de poser une question à propos de cet important sujet. Nous nous plaçons à votre entière disposition et c'est bien volontiers que nous vous répondrons personnellement pour vous transmettre l'enseignement de l'Écriture à cet effet. Le Seigneur promet aux vainqueurs de l'église de Sardes que leurs noms ne seront pas effacés du livre de vie et il ajoute qu'il confessera leurs noms devant son Père et devant ses anges. Autrement dit, il les reconnaîtra publiquement comme ses frères et ses sœurs, comme les fils et les filles du Père Céleste. Combien il est plus important de s'assurer que notre nom est écrit pour l'éternité dans le livre de vie, plutôt que de s'appuyer sur l'inscription d'un nom dans un registre paroissial. Un profond abîme d'illusions sépare donc l'organisation humaine de nos paroisses ecclésiastiques de la tenue des registres célestes. Le Fils de Dieu ne reconnaîtra devant son Père et devant ses anges que ceux qui marcheront avec lui en vêtements blancs, c'est-à-dire les rachetés, ceux qui auront été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. À celui qui se repent de ses péchés, les avoue à Jésus-Christ et reconnaît par la foi la valeur du sang expiatoire du Fils de Dieu versé à la croix du calvaire,